Chapitre 15e, le serpent sous les fleurs. Le mercredi matin, tous les vaisseaux anglais étaient embossés à portée de canon des remparts. Le brûlot infernal se reconnaissait entre tous à ses vastes flancs noirs, pleins d'épouvantables mystères. L'imagination se perdait en conjectures atroces sur les éléments de destruction qu'il pouvait contenir, et cependant, aucune de ces conjectures n'approchait seulement de la réalité. L'amiral Danby donna 24 heures aux Malouins pour capituler ou voir leur maison réduite en cendres. Pour toute réponse, les Malouins se disposèrent comme un seul homme à vaincre ou à mourir. Après avoir fait porter sur la Gabrielle toutes les munitions nécessaires à une sortie, M. Tron attendait l'heure du combat avec le calme d'un sénateur romain. Assis dans son cabinet, au milieu de ses commis, comme si la mort n'avait pas plané sur sa tête, il parcourait froidement les lettres amassées pendant son absence. Arrivé au courrier de Caen, « Lisons, dit-il, la correspondance de René. J'avais exigé de lui un message par semaine. En voilà 8. C'est bien mon compte. Voyons s'il persévère dans ses bonnes résolutions. » Et le digne corsaire, s'épanouissant d'une lettre à l'autre, prononça tout haut les passages suivants pour mieux en savourer la douceur. « Université de Caen, 1er mars. Mon cher père, je travaille et je fais tous mes efforts pour vous contenter. L'étude des lois n'est pas aussi difficile que je le croyais. J'espère en savoir bientôt aussi long que nos docteurs, etc., etc. » Université de Caen, 8 mars. Mon cher père, je travaille assidûment. Et j'ai le bonheur de satisfaire tout le monde. La robe me coûte à porter, mais je suis heureux de vous offrir ce sacrifice, etc. Université de Caen, 15 mars. Mon père, je travaille de toutes mes forces. Et vous serez enchanté d'apprendre mes progrès. Nous avons eu hier une conférence sur les dettes de jeu. J'ai plaidé 1 heure contre ce fléau de la jeunesse et j'ai gagné ma cause aux applaudissements des maîtres. Ah, si tous les joueurs avaient pu m'entendre, etc., etc. Université de Caen, 22 mars. Mon cher père, je continue de travailler avec succès. Je m'habitue à la robe et à la discipline. J'ai essayé ce matin un bonnet de juge et n'ai pu me regarder sans rire, etc. Université de Caen, 1er avril. « Mon cher père, j'ai tant travaillé que je suis tombé malade. Mais soyez sans inquiétude, veuillez seulement m'envoyer 12 de pistoles par la poste, bureau restant, pour m'acheter quelques douceurs, etc. »« Pauvre garçon, » dit M. Trouin tout attendri, « au lieu de 12 pistoles, je lui enverrai 100 écus. » Et après avoir lu les 3 dernières lettres, dont le refrain était toujours « Je travaille, je travaille, je travaille. » »« Quel miraculeux changement !» s'écria le vieux capitaine. Un garnement hier et aujourd'hui un petit saint. En vérité, je suis trop heureux dans mes enfants. Les voilà tous deux tels que je les voulais, et je n'ai plus rien à demander au ciel. Je savais bien, morbleu, que je viendrais à bout de René comme de Luc, que je ferais de l'un le modèle des avocats et de l'autre l'exemple des corsaires. Ah, c'est que je m'entends un peu à conduire la jeunesse, et je ne suis pas de ces pères de comédie à qui on fait croire que les vessies sont des lanternes. Tout en exhalant ainsi sa joie, M. Trouin avait ouvert une lettre du matin posée sur celle de son fils. Soudain, sa figure s'allongea, ses traits se bouleversèrent, et un horrible jurement s'échappa de ses lèvres. Voici le serpent que le digne homme avait trouvé parmi les fleurs. Je ne puis vous laisser ni me laisser moi-même berner plus longtemps par M. Duguay, votre fils. Vous le croyez à Caen, tout confie dans l'étude, et il n'a pas mis les pieds à l'école. Depuis 2 mois, il court les foires, les tripots et les cabarets. Il a eu 4 ou 5 duels, a enlevé une femme à Rouen, s'y est fait mettre en prison, a couru jusqu'à Paris et est revenu vous braver à Saint-Malo. Après avoir édifié toute la ville pendant le carnaval, il a poussé l'audace jusqu'à figurer cette nuit à votre bal, sous le nom de son frère Luc, dans un costume de Forban, qu'il me doit encore avec les fournitures ci-jointes, etc. Total 999 livres, 19 sous, 11 deniers, pour lequel j'ai prise de corps contre sa personne. Il m'avait leurré jusqu'ici de faux noms et de belles paroles, mais je viens de tout apprendre par un espion qui l'a suivi hier jusqu'à votre porte. Je vous prie donc de le traiter comme il le mérite et de faire droit à ma créance. J'ai l'honneur, etc. Chrysostome du Ciseau, d'ailleurs costumier. On se souvient que ce terrible créancier était resté en dehors des transactions de dinars. Voilà la surprise qu'il ménageait à notre héros. Cette lettre fatale révélait à M. Trouin toutes les comédies de la veille, le brevet, le mariage, le duel, etc. « Bombe et mitraille !» s'écria-t-il. « Le fourbandier n'était pas Luc. et pendant qu'un compère m'adressait de 8 jours en 8 jours ses lettres de camp, René osait. Il ne put achever, il l'étouffait de rage. Il relut la dénonciation et resta anéanti. Puis sa colère fit une telle explosion de cris, de blasphèmes, de chaises brisées, que toute la maison en trembla et que chacun courut le croyant suffoqué par la goutte. Mais lui, sans répondre à personne, « Caissier, mon fils vous a-t-il présenté un bon de 10 000 livres ?»« Non, monsieur, à la bonne heure. Si on vous le présente, vous le mettrez en pièces et viendrez m'avertir. » Puis saisissant une plume, il écrivit à monsieur du Ciseau. « 2 000 livres pour vous si René est en prison dans 1 heure. Ameutez contre lui tous ses créanciers et tous les exempts de la ville. » Au même instant, la rumeur publique mit le comble à sa fureur en lui apprenant que le pilote Bernard était sur la flotte anglaise. Croyant aussitôt avec passion ce qu'il eût nié de sang-froid en toute autre circonstance, « Bernard, chez les Anglais » reprit-il convulsivement. « Et c'est la fille de ce traître qui épouserait mon fils aîné ? Bon, mes mitrailles, je lui tordrais plutôt le cou. »« Luc » poursuivit-il avec de nouveaux cris. « Où est Luc ? Qu'on m'amène Luc, mort ou vif ?» Mais Luc se garda bien de paraître. Il s'était réfugié au premier bruit sur la Gabrielle, aimant mieux affronter les boulets ennemis que la justice de son père. Enfin, M. Trouin parvint à calmer le paroxysme de son mari, ou du moins à le tourner adroitement contre les Anglais, dont l'artillerie foudroyante annonçait la dernière sommation. Cependant, le capitaine ne cessa de jurer, de gesticuler et de casser ses meubles, que lorsque M. du Ciseau vint lui annoncer en personne l'incarcération de René. Les exempts, ces hommes sans entrailles, l'avaient arrêté, courant en péril comme à une fête, l'avait sommé de verser 10 000 livres quand il se préparait à verser son sang, et l'avait traîné à la prison au milieu de l'indignation générale.